Mou, allez. On peut vous recevoir de suite, hélas, monsieur Haberlein, mais je vous laisse entre les mains expertes de notre... C'est reparti. Puis je dis, monsieur Haberlein, Haberlein. Je ne peux vous recevoir de suite, hélas, monsieur Haberlein, mais je vous laisse entre les mains expertes de notre archiviste adoré. Je ne peux vous recevoir de suite, hélas, monsieur Haberlein, mais je vous laisse entre les mains expertes de notre archiviste adoré. Bon, je pense que c'est bon. Haberlein, let's go. Désolé.